Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Cet épisode vient clôturer la première saison. Et oui, déjà. Pour l'occasion, on vous propose de revenir ensemble sur le projet Réveillez-vous. On fait le bilan, on vous livre des infos tout droit venues des coulisses, on tire quelques conclusions des témoignages enregistrés. Alors restez avec nous. Eh, ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borné de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'étais vraiment, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. Moi, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller? Quand on a pensé Réveillez-vous, l'idée c'était de créer un complément au contenu que faisait déjà Conspiracy Watch, mais aussi au podcast Complorama. Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Ce complément, il se voulait avec une approche plus individuelle, intime, et abordant les conséquences du complotisme dans la sphère privée. On a eu l'idée de faire ce format après avoir reçu de nombreux témoignages, envoyés spontanément à notre rédaction, de personnes touchées de près par le complotisme. Donc tout d'abord, je voudrais remercier encore une fois les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de se livrer à mon micro. Nous avons bien conscience que ce n'est pas toujours un exercice facile, et sans vous, ce podcast n'aurait pas pu exister. Ensuite, c'est à vous, auditeurs et auditrices, à qui je tiens à dire merci. Grâce à votre fidélité et à vos partages, le podcast a trouvé son public au cours de l'année. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous approchons les 63 000 écoutes et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans les classements Apple Podcasts et Podmust. Et ça fait bien plaisir de voir que notre travail est apprécié. Vous avez aussi été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages pour réagir au récit des épisodes. Nous disons qu'ils faisaient écho à vos histoires personnelles, qu'ils vous avaient aidé. On ne vous a pas tous répondu faute de temps, mais sachez que nous avons tout lu avec attention. Et ça aussi, c'était un de nos objectifs. Que ces témoignages vous parlent et puissent être un outil pour des personnes démunies vivant une situation similaire dans leur entourage. Mais aussi un soutien moral, pour ne pas se sentir seule dans ce genre de situation. Pour ma part, si je devais dresser un bilan personnel de cette saison, je dirais que les rencontres avec les différentes personnes qui ont témoigné ont été riches et touchantes. J'aime beaucoup travailler le témoignage en podcast pour livrer une partie d'intime qui devient finalement universelle, et ça a été le cas avec les différents témoignages de Réveillez-vous. Je suis toujours aussi touchée par la confiance qui m'est accordée. Bon, après, pour être tout à fait transparente, les récits qui m'ont été confiés étaient assez durs, et ce n'est pas toujours facile de travailler cette matière, ni de se confronter à certaines réactions sur les réseaux sociaux. Mais alors, après 9 épisodes, des heures d'interview et la lecture de vos nombreux témoignages, quelles conclusions peut-on tirer de ce podcast? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Qu'est-ce que les épisodes de Réveillez-vous nous disent de la croyance complotiste? Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que tomber dans le complotisme, ça peut arriver à tout le monde. Mais l'un des points communs qui relie les croyants complotistes, c'est la présence d'un terrain propice. Ça peut être un problème avec l'autorité ou l'immersion dans une pensée anti-système, comme pour les beaux-parents de David. En gros, moi, comme je le voyais, c'était vraiment très anti-Macron et anti-gouvernement, on va dire, voire anti-capitaliste, ce qui correspondait totalement à ses valeurs. Hein, c'était pas. Même si il me semble que le tout début de ce mouvement-là, c'était la taxe carbone, et on va dire que eux, ils étaient écolos dans l'âme, quoi, vraiment. Donc c'était un peu antinomique de. Pour moi, en fait, j'avais fait un peu remarquer, bon, ça n'a pas été relevé. Mais voilà un peu comment ça a commencé, je pense. Leur côté un peu anarchiste, un peu en dehors de système. Ma belle-mère, elle est prof de yoga. Mon beau-père, il est musicien. Donc, oui, c'est des gens, enfin, les politiques, voilà, c'est un peu tous pourris. Et puis, Pour d'autres? Le premier contact avec l'univers complotiste s'opère dans les milieux New Age, où l'on pratique des méthodes de santé dites alternatives. C'est d'ailleurs l'une des grandes constantes des témoignages que nous avons reçus, à l'image de la sœur de Vincent ou du frère de Carole.